donc un peu les filles. Allez, on arrive ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut à toutes et à tous, c'est Eric, bienvenue dans l'émission Johnny de A à Z qui officie le mercredi ici sur l'antenne de RIG 90.7 de la bande FM, rigfm.fr. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette dernière émission de la saison 2023-2024 avec une petite rétrospective. J'espère que tout le monde est là, hein, déjà, hein, appelez encore les uns les autres pour assister à cette dernière émission de l'année, enfin de la saison, hein, oui, non, parce qu'on se retrouvera en septembre, mais là, il faut prendre des vacances, il y en a besoin, déjà, vous l'entendez très bien, j'ai besoin de vacances. Et aujourd'hui, ce soir, on va vous faire un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé pendant cette année 2023-2024 avec, pour vous dire en gros, si on sort les chiffres, hein, il y a eu 26 émissions de Johnny de A à Z, plus celle-là, ça fait 27. Et au cours de ces 26 émissions, vous avez pu écouter 9 émissions live, 9 émissions de album de la semaine et aussi 8 émissions sur des thématiques. Et on va retrouver tout ça tout au long de ces plus de 2 heures d'émission. Ouais, comme d'habitude, oui, bah, ouais. Je déborde comme à chaque fois. Si on commençait déjà par la première émission de l'année 2020, de la saison 2023-2024, on commençait par évidemment, toujours, comme toujours, l'émission de la rentrée. Alors évidemment, l'émission de la rentrée était un petit peu décalée, hein, elle a été diffusée le 20 décembre 2023, et je vous présentais donc des extraits live de 1961 à 2015. Et en extrait, là, je vais vous proposer le duo Johnny Hallyday et Sylvie Vartan au Parc des Princes sur le titre Je veux te graver dans ma vie. Bonne écoute à toutes et à tous! C'est parti, et je ne voulais pas m'arrêter. Une autre route, je l'ai suivi, il a fallu que je te trouve. Sous les bras, je suis tombé. Et comme ça, je suis resté. À chaque instant, le bras pour le vide. Tu n'as rien fait, tu n'as rien dit, je t'ai seulement. Tu ne pars pas, tu réussis, je veux seulement t'aimer très fort. Tu es né pour être à moi, et j'espère que tu y crois. Nous serons ensemble chaque jour. Chaque jour.

Ça fait plaisir de vous retrouver. L'hôpital, je l'aime, me disait que le rock and roll était mort. Le jour où Elvis Presley faisait le jihad près de France. Certains disent que le King vit dans une île cachée, un endroit sûr. J'espère pour lui qu'il est bien mort. Ensuite en sous-terre, ce serait trop dur. On veut des légendes à consommer toute fête sur Poland. Les mines d'orange, mais tiens le vent grâce à nos marchands d'illusions. À toi, Eddie. Les hommes politiques l'ont bien compris. Ils promettent de beaux lendemains. Une fois au pouvoir, ils nous oublient. Ils disent laisse faire, je m'occupe de rien. On peut faire une croix sur ce Messie. Il n'y a qu'un Jésus de ce nom. On veut les légendes en étant mort en ordre de mort. Quitte à entrer en mercredi 4 octobre 2023, je vous ai présenté les duos live à l'occasion de la sortie du 27 octobre de la compilation Johnny Hallyday Duo. Je vous ai proposé un live spécialement dédié au duo de Johnny à la télévision, à la radio, sur scène et de quelques duos virtuels réalisés par mes soins. Il y avait du Bob Seger, Johnny avec Elvis Presley, Rolling Stone, Paul McCartney et John Fogerty. Et à l'instant, je vous ai proposé le duo Johnny Hallyday et Eddie Mitchell, On veut des légendes, en direct de Genève. C'était le 24 avril 2007. À présent, voici un album de la semaine du 18 octobre 2023. Un album conçu en 10 jours et en été 2015. Hein, qu'est-ce que c'est, hein? Dans le plus grand secret et dévoilé le 9 octobre 2015 sur la scène à Lille avec la première interprétation du titre... De l'amour, avec son compositeur Dugo Delis. Vous avez compris, c'est l'album De l'amour. Et là, je vous propose d'écouter en extrait de cet album de la semaine, Valise ou cercueil. RIG, la radio de Johnny Hallyday, le mercredi soir de 22h jusqu'à minuit. Et ce soir, je vous présente une rétrospective de la saison 2023 et 2024. Le mercredi 25 octobre, je vous présentais l'émission Talk and Sing 60s. Et pendant 2 heures, je vous faisais redécouvrir Johnny au micro des médias, radio, télévision et sur scène de 1960 à 1969. On va retrouver un petit documentaire de Johnny Hallyday à la télévision en Suisse, suivi après du titre Live, je me suis lavé les mains dans une salle lors du Musicorama Olympia le 18 octobre 1966. Les gens ne comprennent pas qu'un artiste est un homme ou une femme avant tout. Si c'est un artiste, c'est le métier qu'il fait, mais un artiste a autant le droit qu'un autre d'avoir une vie privée. Donc la presse, l'association te répugne, mais tu l'acceptes. Mais un artiste en a même besoin plus qu'un autre d'une vie privée, parce qu'il est tellement en public et tellement tout le temps dehors, tout le temps en devant jouer le jeu qu'il sait. De son personnage qui s'est imposé et que les gens le voient un tel, que quand il peut avoir, je sais pas, peut-être une heure de vie privée chez lui ou avec des amis ou avec sa femme ou avec sa fiancée, je sais pas, mais enfin, je pense que c'est. On peut pas lui enlever ça, tu comprends? Et en plus de ça, alors, ces gens-là se mêlent encore de cette pauvre petite heure que ce gars a pour lui. Et je trouve que c'est un métier formidable, mais qui a aussi beaucoup de désavantages. Une rencontre qui est arrivée ce soir.

je suis pas plus bête qu'un autre. Mais je pourrais pas m'habituer à faire autre chose parce que c'est, j'aime ce métier et puis j'aime mon public. Et dans, en fin de compte, ça, ce métier m'aide beaucoup plus à vivre qu'on peut le penser. À vivre, je parle, quand je dis il m'aide à vivre, moralement surtout. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. On retrouve Johnny Hallyday en répétition au Zénith le 29 août 1998. C'était lors de l'émission Johnny de A à Z du 1er novembre 2023 avec une émission spéciale, les répétitions live. Je vous faisais écouter Johnny Hallyday en répétition de Paris à Los Angeles de 1960 à 2015. Et sont les paroles de Philippe Laron. Nous étions à la fin du jour et j'avais l'entrée.

Ah, quand on est musicien, on parle avec qu'avec des onomatopées. Hein? Ça fait glang, ding, glang, glang, c'est ça. Voici un cri. John a été surérigé dans l'émission Johnny 2 à Z. On ne m'avait rien donné, pas même une bonne étoile, un nom qui trace une ligne d'orgueil. J'ai dû prendre des cours, éviter des balles, oublier comment on cloue le cercueil. J'ai goûté la violence, oui bien avant la tendresse. J'ai connu la souffrance, l'errance et la détresse. Les illusions perdues à s'en frapper la tête. Ce que je suis, je l'ai arraché à la vie. Ce que je ne suis qu'un cri. Ce que je suis, je l'ai arraché à la vie. Ce que je ne suis qu'un cri. S'en frappe la tête. Je suis qu'un cri. Le mercredi 29 novembre, je vous présentais la deuxième partie des singles, une émission qui faisait suite à l'émission 515 présentée le 23 mars, 6 mois auparavant, avec les singles John Hallyday absents de tout album studio, uniquement présents sur des 45 tours IP, sur des 45 tours SP et des CD singles ou autres albums. Et singles, ce sont d'autres artistes, bien entendu. Et voici un single de 1979, il s'intitule « Toujours là ». Faire le point. Parfois pour exister, me tue la santé. Et comme dans un linceul, je me sens vraiment seul. Mais dans le pire des cas, sans baisser les bras. Et seigneur de l'infime et des chers. chasseurs qu'il faut leur envoyer. À chacun son métier. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Entre Johnny en live à Bercy en 1984. Et ce titre, Worker. justement, en parlant de ce Zénith 1984, Xavier Perrault, que j'ai eu l'opportunité, la chance du moins, d'interviewer hier matin, nous a livré, en quelque sorte, la promotion, la première promotion des futurs Archives Live qui vont venir, qui vont arriver d'ici la fin août. On écoute Xavier Perrault tout de suite sur l'antenne de RIG dans l'émission Johnny de A à Z. On a deux nouveautés dans la série qui vont sortir toutes les deux le 30 août prochain. Il y a tout d'abord, et c'est quand même un petit peu un événement, le Zénith 85, la dernière du Zénith 84, mais qui a lieu le 2 février 1985. C'est pour la première fois l'intégralité de ce concert, avec deux bonus, on va dire, deux inédits qui sont deux duos que Johnny fait, l'un avec Sheila sur Mon Petit Loup et l'autre avec Eddie Mitchell sur Bapaloula, qui ont été captés donc pour cette dernière, où Johnny les avait invités sur scène. On va sortir sur le Zénith, dans un premier temps, on va sortir un 45 tours en tirage limité numéroté à 500 ex, qui sera vendu uniquement sur le store Johnny Hallyday le 16 août. Ensuite, le 30 août, on aura un double CD, tirage limité de 5000 ex, qui ne sera pas numéroté, mais c'est un tirage limité de 5000 ex. On aura un 4 LP, qui sera lui en tirage limité et numéroté de 3000 ex, avec comme à chaque fois pour les Johnny Archive Live, un poster qui sera glissé dans ce support, ce 4 LP. Et on sortira en exclusivité, là aussi, uniquement sur le johnnyhallyday.store, un picture vinyle, tirage limité et numéroté à 500 ex. Donc ça, c'est pour le Zénith 85. Pour la fête de l'humanité, on a un CD qui paraîtra donc le 30 août, tirage limité à 3000 ex, et un double LP, tirage limité et numéroté à 1500 ex, avec là aussi le poster 40 par 60. Alors après, le Zénith est quand même vraiment une belle pièce, et je pense que les fans seront contents d'avoir pour la première fois l'intégralité de ce concert. Du vrai live. En vrai live. C'est un concert assez particulier, qui a une place particulière, et dont on est très content de pouvoir, pour la première fois, diffuser l'intégralité. Avec petite cerise sur le gâteau, les deux duos, celui de Mon Petit Loup et celui de Bubba Pulga. Et donc, on en arrive après à la fête de l'Huma, donc le 15 septembre 91. Alors, c'est marrant parce que entre ces deux dates, finalement 85 et 91, il n'y a que 6 ans qui séparent ces deux concerts. Et en même temps, on se rend compte, quand on compare les deux, à quel point en 6 ans, la situation a complètement changé. La dimension qu'a pris Hallyday en l'espace de ces 6 ans. Johnny est présent sur tout un tas d'événements qui sont des événements nationaux extrêmement importants et témoigne de sa popularité à ce moment-là, qui est en train de prendre une dimension qu'elle n'avait peut-être jamais eu, en tous les cas, dans sa carrière, alors qu'il a presque 40 ans de carrière au moment où on parle en 91. C'est assez impressionnant quand même. Et on sait que ce qu'il est en train de démarrer là en 91, qu'il a déjà démarré un petit peu avant en fait, mais ça s'inscrit dans la continuité de ce qu'il a fait à partir de Bercy 87. Bah, c'est ce qui va l'emmener au fil de cette décennie vers d'autres Bercy, mais aussi le Parc des Princes en 91. Et le Stade de France en 98. Donc, il prend une dimension qui est absolument exceptionnelle, quoi, et que moi, je ne vois pas beaucoup d'artistes français à cette époque-là qui puissent rivaliser avec cette notoriété-là. Ce que je voulais rajouter aussi, c'est effectivement, donc, dans les archives de la captation, donc à notre disposition, ne figurent pas les trois derniers titres du concert de la fête de l'Huma. On aurait pu utiliser d'autres archives qu'on a eues, nous, à notre disposition, qui étaient des archives d'amateurs réalisées par des particuliers faites au milieu de la foule, mais la qualité technique de ces captations était trop mauvaise, ça aurait dégradé un peu l'ensemble, et on s'est dit bon bah voilà, nous on a un peu plus d'une heure de concert, Le concert fait 1h07 de ce qu'on propose. Bon, on s'arrête après le bon temps du rock'n'roll. On finit sur le slow de batterie du bon temps du rock'n'roll. Il nous manque les trois derniers titres qui sont des titres importants. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais voilà, on est resté, on va dire, intègre par rapport à ce qu'on nous proposait. On a tout fait avec notre partenaire pour retrouver cette dernière bande qui a disparu. Mais hélas, on ne l'a pas retrouvée. Vous avez revu à la baisse les exemplaires, justement, non ? Alors, on a revu à la baisse les exemplaires parce que on a été obligé de constater que les exemplaires se vendaient moins que par le passé, d'accord ? Et on a vu un peu qu'il y a eu des prix, il y a eu du gros déstockage récemment. Ouais, et on va en faire d'autres d'ailleurs. J'invite les gens à surveiller notamment la boutique officielle qui va proposer des choses, je pense, dans le courant du mois de juillet. Pu écouter au long de cette interview deux extraits, Nashville Blues, donc de ce 2 février 85, ainsi que Je suis dans la rue de Luma, 1991. Le mercredi 20 décembre, je vous présentais une rétrospective de l'année 2023, une rétrospective avec de toutes les émissions de l'année, bien entendu. Et le 3 janvier, nouvelle année 2024, allez, puis je vous faisais quoi ? Évidemment, un live, premier mercredi du mois, c'est un live. Et avec au programme, il y avait des bootlegs, des chansons qui font un petit tour et puis s'en vont, qui sont rajoutées lors de nouvelles tournée. C'était le cas du titre Rock'n'Roll Man lors du Band Rocker Tour à Bordeaux le 2 juin 2013. Ce titre n'a figuré que ce soir-là et après, dès le lendemain, il disparaissait. Mais évidemment, votre serviteur était là. Il a su capturer ce moment-là. Voici tout de suite Johnny Hallyday à la patinoire de Bordeaux, Mériadec à Bordeaux. Sur sa guitare et on est trop d'argent. and roll with. C'est moi qui gueule. Le 10 janvier, je vais vous présenter une émission, les duos impossibles numéro 2. Des duos virtuels, quoi. Johnny chantant sur les instrumentaux originels ou l'inverse. Des duos qui n'ont jamais pu voir le jour. Bref, je vais vous présenter 38 titres et donc ça donnait 2h30 de musique. Et là, je vais vous présenter le fameux duo impossible, duo virtuel Brian Cadd et Johnny Hallyday sur le titre C'est pas facile ou encore Yesterday Dreams. C'est bien pour moi. Je dors seul, mais j'ai pas froid. Le plus dur est passé. J'ai un moral d'acier. Memories still cause pain. I lost a feeling I can't explain. Still I need you. You don't seem absurd. J'suis pas mort de chagrin. J'en sais rien. Making it so hard to start all over again. C'est pas facile. Yesterday dreams. C'est pas facile. Here they are coming again. In my mind, another place and another time. It's the same old song, just another melody. Ça n'était pas dans mes habitudes de supporter cette solitude, mais on se fait à tout. Il faut bien, sinon on devient fou. Il y a encore des jours qui traînent.

mercredi 14 février, je vous présentais un album de la semaine, Cadillac, sorti le 15 juin 1989, écrit et réalisé par Étienne Rodagil. Et du 9 au 13 octobre 1989, Johnny participait à l'émission Avis de recherche animée par Patrick Sabatier, où Johnny retrouvait bon nombre de copains, d'amis lors du prime du vendredi 13 octobre 1989. Je vous propose d'écouter un peu son avis de recherche du jeudi 12 octobre, donc ça va durer 5 minutes, et après on écoutera un extrait de cet album-là, Cadillac, Les Vautours. Bonjour, eh bien Patrick n'est pas là. Je ne sais pas où il est, Patrick. Écoute, parce que qu'est-ce que tu me fais là, tu me fais des frayeurs. Bien, bien là pour ce soir, alors. Il est beau. Bah voilà, comment tu vas? Tu sors ce soir? Ben non, je viens de voir, on m'a dit faut être un peu bien. Tu sors avec ta femme, je suis sûr que tu sors avec ta femme. Oui, ce soir je sors. Alors j'essaie de m'habiller bien, tu vois, bon. T'as déjà mis le smoking toi? Oh oui, ça m'arrive, oui, de me déguiser, oui. C'est. Tiens, tu veux ma veste? Oh, elle va être un peu petite, toi, t'as tellement maigri. Non, tiens. Alors, ça, il n'irait pas. Non, t'inquiète pas, je suis sûr qu'elle te va, j'en ai pris une plus grande. Vas-y. Voilà. Tu vois, regarde, ça te va bien. Ça te va bien, oui, bon, d'accord, bon, bah, reste assis comme ça, bon, il n'y a pas de problème. Tu m'as passé tes chaussures hier, bon. Alors, Johnny Hallyday, donc, est avec nous ce soir encore pour son avis de recherche. Bon, on va dire, mon petit, encore, là. Non, encore, c'est bien. C'est bien, non, c'est bien. On a reçu quand même pas mal de coups de fil hein, jusqu'à présent. Tiens, je vais faire les comptes pendant ce temps-là. C'est vous, vous êtes là? Bonne soirée, voici le jeu de Téléstar. Il y a un magnétoscope à gagner, regardez bien. Alors, un magnétoscope 42 20 30 30 qui est aux côtés de Johnny. Oh, ça c'est pas très compliqué, là. Alors là, en revanche, 42 20 30 30. Et puis au téléphone, peut-être... C'est-à-dire qui c'est? Tu peux le dire? Ouais. Tu me le diras pas? Non, bon. Non. T'as déjà un magnétoscope chez toi? Moi oui. Bon alors donc tu ne joues pas, tu ne dis rien toi, d'accord? Non, je veux bien un de plus. Hein. Oui d'accord, oui, je sais, t'es un fou de ça. Alors qui est à l'appareil? Allô? Allô? Parlez dans le poste. Allô? Oui. Bonsoir oui. Patrick, bonsoir Johnny. Oui, qui est à l'appareil? Bonsoir. Le numéro 21. Le numéro 21. Alors... Ah bah c'est Sacha. Oui. Sacha roule. Sacha roule. Celui qui roule pour vous. Exact. Salut Sacha, comment toi, ça va? Ça va? Ouais, t'es où là? Ben, je suis où? De mon institut de bronzage. Ah, t'es dans ton centre? Oui. Ouais, parce que Sacha a un centre de bronzage absolument formidable où je vais d'ailleurs me faire bronzer. Je viens pas de là. Hein, mais t'es très bronzé. Mais en général, l'hiver, pour avoir bonne mine, ben, c'est Sacha. Alors Sacha, oui. Il faut dire également aux téléspectateurs de TF1 que vous avez été pendant de longues années le secrétaire particulier de Johnny. Non, il n'a pas été mon secrétaire, il a été d'abord mon garde-corps, ensuite mon secrétaire, ensuite il s'est occupé de mes affaires, il a été personnel manager, et puis bon, tout ça sur 20 ans. Oui. Vous pouvez nous raconter un fameux gala en Argentine avec Johnny et Sylvie? Ah, on était partis, oui, c'était super. Je ne peux pas raconter l'Afrique du Sud plutôt, non? Non, après, ne balance pas, c'est pas ça, non, je sais pas. Alors, l'Argentine ou l'Afrique du Sud? Non, l'Argentine. Bon, d'accord, on ne saura pas. L'Afrique du Sud. Alors, l'Argentine, allez-y. Non, je dis tout. Alors, c'est quoi en Argentine? À l'Argentine, il avait signé une tournée de 10 galas. Alors, on est arrivé en Argentine, c'était super, 10 galas. Mais on ne nous avait pas précisé que c'était en 3 jours. Il commençait à chanter à 9h et il finissait à 7h du matin parce qu'entre les galas il y avait 140 ou 200 km. Il fallait démonter le matériel, les mettre en camion, repartir nous en voiture. Et ça n'arrêtait pas. Finalement il finissait à 7h du matin. Et l'Afrique du Sud alors? Non. Pourquoi non? Alors nous, on n'a pas le droit de savoir? Non, on racontera ça vendredi. Ah ben voilà, okay. Vendredi. Il en faut bien un peu pour vendredi. Mais moi je vais t'aider, hein, Sacha. Bon, merci Sacha d'avoir appelé. Okay. Salut Sacha. À vendredi. Alors, un autre appel. Il faut dire aussi une chose, c'est que dans cette tournée, un jour j'ai chanté donc à 6h30 du matin, le soleil se levait très tôt là-bas en Amérique du Sud. Je chantais le pénitencier avec le soleil toi, qui se levait. Ah, c'était assez beau. Ah, ça c'est beau. Ça. Mais moi j'étais un peu fatigué quand même. Très tôt dans la nuit ou très, très tôt le matin. Alors, qui est à l'appareil là? Allô? Allô? Oui? Allô? Allô? Oui? C'est le numéro 14. Allô? Numéro allô, oui. 14. Il y a pas très mal. Oh, je reconnais sa voix. Allô? Ah oui. Oh, Gu. Oh, oh pêcheur. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Ah, tu vas venir nous faire les spaghettis? Ah bah ouais, tout est prêt là. Tu sais, les alouettes s'entêtent. René est en train de préparer des raisins, des trucs. pleine de surprises. Tu sais que c'est le roi, il fait les meilleures pizzas du monde, les meilleures pâtes au monde. J'ai déjà pris mon billet d'avion pour vendredi. Ah, tu viens avec les casseroles? Tu viens avec les casseroles, hein? Ouais. Ah bon, d'accord. Alors, il faut dire enfin, à celles et à ceux qui ne connaissent pas Gu, que c'est un grand restaurateur du Midi de la France, qui a été le point de mire, le point central de toutes les tournées. C'est-à-dire qu'il a connu toutes les tournées de tout le monde à l'époque. Il avait un restaurant à Salon, à Salon de Provence, et qui maintenant est à Aix. Et maintenant il est à Aix en Provence. Et tout, il y a pas une tournée qui ne passait pas par chez lui. Vous allez venir, c'est vrai, vous venez avec les marmites, non? Ah ouais, je viens avec les marmites. Je porte une cantine pleine. Dis-moi, tu vas nous les faire sur le plateau? On est en train de tout préparer ça. Ah ben génial. Je sens que l'après émission, ça va être sympa aussi. Hein. À émission exceptionnelle, artiste exceptionnel, temps imparti à cette émission exceptionnelle. Excusez-nous, voici Santa Barbara. On se retrouve demain. Non, c'est pas Santa Barbara qu'on regarde ou qu'on écoute. Non, c'est Johnny Hallyday, toujours dans l'émission Johnny de A à Z. La dernière émission de la saison 2023-2024, cette rétrospective, je vous présente toutes les émissions, tous les thèmes de chaque émission de cette saison-là. Et voici tout de suite, album de la semaine, Cadillac, voici les vautours. Je me réveille souvent, le cœur agité. Des souvenirs d'une nuit trop dure à rêver. Quand les hommes et les femmes vont se coucher au fond de leur palace, oui, de leur quartier caché. C'est l'heure du crépuscule entre chiens et loups. Enfin l'heure des chiennes et des loups-garous. On boit l'alcool qui passe debout à genoux. On se fait des grimaces, parfois on se dit tout. Voudrait s'aimer au lieu de remplir des verres et des cendriers. Je vois le temps qui passe ici n'importe où. Dans les sourires de glace, parfois je deviens fou. Play!

matin. Un par un, les soldats meurent. Un par un, et heure par heure. Il faut bien qu'un jour ils perdent. Même si Cambronne a dit merde. Aujourd'hui, sous cette terre qui a connu tant d'autres guerres, il ne reste plus que des eaux, que des eaux, sous le ciel gris de Waterloo. Oui. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. L'émission. Et juste avant, ce que vous allez entendre maintenant, c'est un gros, gros cadeau. Hein. C'est réservé aux auditeurs d'RTL exclusivement. On peut l'entendre que si on va voir Johnny Hallyday en concert. On est d'accord. Exactement. On doit ça à Johnny qui nous a fait cadeau, à son producteur Jean-Claude Camus aussi, qu'on remercie parce que Johnny nous permet d'écouter maintenant la version 2009 de Ma Gueule. C'est la chanson qui ouvre le spectacle et c'est la version 2009 telle qu'on a pu l'entendre hier au Zénith de Saint-Étienne et telle qu'on l'entendra pendant 9 mois partout en France. Exactement, live et a cappella Ma Gueule, version 8 mai 2009, Saint-Étienne. Quoi, ma gueule ? Mais qu'est-ce qu'elle a, ma gueule ? Quelque chose qui ne va pas, elle ne te revient pas. Regard suffit pour nous jusqu'à 20h, Charlotte Pozzi. Et voilà, c'était l'heure de l'émission du live de mars, du 6 mars 2024, live RTL, bootlegs, concert officiel. Et il y avait aussi deux mix maison à découvrir. Et à l'extrait, on a pu écouter Ma gueule de Saint-Etienne du 8 mai 2009. Et c'était un document RTL. Le mercredi 20 mars, je vais vous présenter une émission Johnny Hallyday et Elvis Presley. Johnny Hallyday et Elvis Presley en solo ou alors en duo virtuel. On retrouve également tous les duos virtuels Johnny Hallyday et Elvis Presley sur la chaîne YouTube Johnny de A à Z. Et je vous présente en extrait le titre Trying to Get to You, Johnny Hallyday et Elvis Presley. La version d'Elvis, c'est le Comeback 68 et la version de Johnny Hallyday, c'était sur la bande originale du film Love Me de Laetitia Masson. Traveling over mountains, even through the valleys too. Well, I've been traveling night and day, I've been running all the way, maybe trying to get to you. Ever since I read your letter, when he said you love me too, I've been traveling night and day, I've been running all the way, maybe trying to get to you. When I write your loving letter, then my heart began to sing. There were many miles between us, but they didn't mean a thing. I just had to reach you, baby. I kept traveling night and day, I kept running all the way, maybe trying to get to you. I'd be traveling night and day, I'd still run all the way, always trying to get to you. One more time. My way was dark at night, it was shining as bright as light. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. On retrouve Johnny Hallyday à Fargeau-Pontierry le 26 mars 1985 et ce titre, J'aimerais pouvoir encore souffrir comme ça. C'était lors de l'émission Live avril 2024. On écoutait les versions live originales des titres repris sur le nouvel opus de Yvan Cassar, Johnny Unplug, la musique que j'aime. Thank you.

mercredi 29 mai, je vais vous présenter l'album de la semaine, Mon pays c'est l'amour, une émission entièrement dédiée au 51e et dernier album de John Hallyday, sorti le 19 octobre 2018. Médiatisation de l'album et de la sortie de l'album avec les émissions Les Nocturnes de Georges Lang du 11 novembre 2018 avec Bertrand Lamblot et l'émission aussi Laissez-vous tenter du 19 octobre 2018. Je vous propose d'écouter Bertrand Lamblot au micro de Georges Lang qui parlera des propositions de chansons pour cette dernier opus et on écoutera un extrait de cet album Mon pays, c'est l'amour. Alors, avant de rentrer en studio, vous aviez d'énormes discussions, des réunions. Qu'est-ce qu'on va enregistrer ? C'était facile de travailler avec lui. Il avait ses idées au départ. Il avait des idées. Il était capable d'en changer. Par contre, il y avait quelque chose qui était très simple. C'est ce qu'il aimait, ce qu'il aimait pas. C'était très rapide. Et on s'est fait bouler beaucoup de chansons. Il y a eu une quarantaine de chansons qui ont été proposées au moins pour cet album. Et 21 qui ont été enregistrées avec les musiciens. Et quand on est rentré de Los Angeles avec ses 21 chansons, il en a bazardé un sacré paquet, de façon assez lapidaire. Et pourquoi ? Avant d'échanger. L'instinct. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de discussion sur ses choix. Il opérait à l'instinct et il n'y avait pas beaucoup de discussions. Et puis on n'avait pas tellement envie d'en avoir parce que son instinct était bon. Donc parfois on tentait des choses. Quand on est rentré de Los Angeles avec ses 21 chansons, il y avait des surprises. Des chansons qu'on a enregistrées sans qu'il sache qu'on les enregistrait, qui sont Made in Rock'n'Roll et Mon pays c'est l'amour. Et d'autres chansons. Et quand on a fait une séance d'écoute Yodelis, Sébastien Farran, Laetitia, Johnny et moi, pour lui faire écouter la totalité de ce qu'on avait enregistré, il a commencé par jeter les ballades que Yodelis avait composées, qui étaient très belles, en disant c'est de la variété, j'en veux pas. Donc on était un peu tendus, mais quand on est arrivé à Made in Rock'n'Roll et Mon pays c'est l'amour, il a jubilé, il n'y avait pas de discussion, il les a enregistrés tout de suite. Donc on pouvait lui faire des surprises aussi. Voilà. Alors la question que je vais poser, je suis le porte-parole d'un certain nombre d'auditeurs qui voudraient savoir si, éventuellement, dans l'avenir, on pourra retrouver des chansons de Johnny qui ont été enregistrées et qu'il n'a pas voulu mettre sur disque. À ma connaissance, il n'y a plus rien. Il a enregistré 10 chansons pour cet album, il a eu le temps d'en enregistrer 10. On était retourné en travailler sur d'autres chansons après ses séances de voix avec Yodelis, qui lui a proposé 4 titres. Qu'il adorait et qu'il avait très envie d'enregistrer, mais malheureusement il n'a pas eu le temps de les enregistrer, donc à ma connaissance il n'y a plus rien. Il n'y a pas de chute des anciens, des anciens albums qui étaient enregistrés, non, il y a rien. Tout a été exploité et réédité en ce moment d'ailleurs de façon diverse, mais il y a eu des extras tracks, beaucoup notamment sur Rester Vivant, mais qui étaient sortis et voilà. Ce qui est sur cet album reste son testament final. Ouais. Je viens d'un pays où je choisis de naître, un bout de paradis que tu connais peut-être. Je viens d'un endroit sans drapeau ni frontière, une terre sans loi où personne ne se perd. Mon pays, c'est l'amour. Mon pays, c'est l'amour. Je suis né dans ses bras en même temps que toi, j'ai grandi sous ses doigts en même temps que toi. Que toi.

que chante l'amour de la haine. Alors arrêtons de faire des discours. Nous ne chanterons que l'amour. Tu es la fille que je cherchais. Attention, je n'ai pas dit oui. Je sais que tu m'attendais. Oh, reste avec moi, j'ai envie. Touche bientôt à sa fin. Dernière émission que je vous ai présentée, c'était quoi? La semaine dernière, oui, oui. Le mercredi 19 juin, je vous présentais les duos impossibles numéro 3. Troisième émission sur le thème des duos impossibles, des duos virtuels, quoi. Avec Elvis Presley, Bruce Springsteen, Robert Palmer, John Lennon, Lonnie Donegan, Tony Joe White et les remixes, les nouvelles orchestrations des titres de John Hayday sur l'instrumental original. Et là, je vais vous proposer donc un titre. John Hayday et Rodney Crowell sur le titre Je te ferai danser, Just Wanna Dance. Johnny, c'était en 1983 et Rodney Crowell, c'était en 1980. Voici ce duo impossible. L'être d'or, le fond blouson, il y a écrit par plein de garçons et l'amour, la vie. Qu'aimerais-tu à ces gens et toute la folie? Oh, regarde, j'en ai pas, mais tout ton produit. Je ne fais que passer. Je suis pas vie dans ta vie. Je suis là pour te faire danser. Les bons parleurs qui veulent te piéger, ils te feraient marcher. Moi je te ferai danser. Many money shuffled through the door. Won't get it all, gonna have to spend a little more. Honking with the honking, happy with the hill. Hugging anybody that will give them a chill. Ooh, what a place to be. Some of them dancing on a tabletop right up in front of me. They say that we don't wanna fuss or fight, but we try to love them all. Just wanna dance tonight. Il y a écrit en lettres d'argent, amour pour la vie, le reste est sans importance. I might have spent the weekend just digging on that show, but I ran out of money and they said I had to go. Ooh, je ne fais que passer. Yeah, the man outside was the same one he said before. Les bons parleurs qui veulent te piéger, ils te feront marcher. Les faux parleurs qui veulent te piéger. Yeah, we try to love them all. We just wanna dance. You know we try to love them all. We just wanna dance. Yeah, well, we try to love them all. Moi, je te fais danser. s'achève cette émission Johnny de la Z, la 548e, avec la rétrospective année 2023-2024. Et ainsi s'achève donc cette saison. Voilà, c'est la fin de Johnny de la Z pour cette année. Ne vous inquiétez pas, on se retrouve à la rentrée prochaine en septembre. Ouais. Je vous remercie toutes et tous d'avoir participé, d'avoir écouté cette émission tout au long de cette saison. Et merci encore à toutes et à tous pour votre fidélité. Que de boulot pour vous satisfaire et aussi pour me satisfaire, pour me faire plaisir. Et n'oubliez pas d'aller chercher quelques podcasts de temps en temps sur il suffit de taper Johnny de A à Z, les podcasts, et vous serez servi, tout simplement. À bientôt, bonnes vacances à toutes et à tous, bel été, à bientôt, ciao ciao.